S'il n'y a pas de questions, on continue dans la série qu'on allait de voir depuis. Avez-vous bien voyagé quand même? Ça va mon cher? Bonne arrivée. Bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Salut ma chère. Vite là, salut toi. Ça fait 7, non? Y a-t-il des questions? On a commencé la série sur le mariage. Si je commence à enseigner, donc ne posez pas de questions. Je repose la question. Je parle, je sens les saluts. Je fais des choses pour attendre votre question. Normalement, ce n'est pas ici quand il dit voici les questions. Est-ce qu'il y a des questions que vous allez commencer à réfléchir sur les questions? En venant chaque fois, vous aurez déjà eu à écouter l'enseignement. Peut-être vous n'avez pas saisi quelque chose. Ou bien lire la Bible. Vous avez des passages que vous n'avez pas compris. On dit vous avez des questions. Vous me verrez comme le mieux de regarder. Deutéronome là, Deutéronome. Ouvrons Deutéronome. Donc, nous allons continuer sur la série sur le mariage. Et dans la deuxième partie, je vous ai titillé avec la vérité parce qu'on ne peut pas être en dehors de la vérité et voulant prêcher la vérité. Et on ne peut pas être dans la vérité en voulant prêcher autre chose. Donc, si nous ouvrons cette Bible, c'est comme j'ai ouvert, c'est la Bible qui s'arrête. Si nous ouvrons cette Bible, c'est comme nous sommes, quand nous disons que nous sommes nés de Dieu. Et si vous êtes nés de Dieu, ça suppose que nous avons été engendrés selon la parole, n'est-ce pas? Et avec la parole vivante, efficace. Si tel est le cas, alors chaque décision concernant ce qui concerne Dieu doit sortir de la parole. Et si cela sort de la parole, même si ta culture dit n'importe quoi, même si ton pape dit n'importe quoi, ton prophète dit n'importe quoi, sa parole ne compte pas. C'est la parole si. Vous avez ça, frère? C'est ça qui fait autorité. Alors ce soir, je vais continuer sur la lancée pour secouer les cultures et nos cultures et les traditions. Je parle de mariage. Donc si vous êtes traditionnaliste et vous ne voulez pas comprendre, vous sortez tranquillement. Mais si vous restez là, vous allez entendre la vérité. Mais je suis obligé de dire. De toute façon, chacun a sa Bible. On va lire dans la Bible. Voilà. Maintenant, je vais faire un bref. Je crois qu'il y avait des questions là où les gens ont posé. Et nous sommes déjà parlé du mariage. Et il y a ce bien-aimé qui est venu d'une assemblée que le prophète a en train de créer le désordre dans son mariage. Je crois que certains d'entre vous, vous avez vu comment j'ai appelé le commissaire là ici. Mais au parking, j'ai appelé. On a causé. Donc ils nous ont dit qu'ils ont un rendez-vous là-bas, ils vont se voir et après on va parler de cela. Alors mais j'ai dit, le problème du mariage se trouve en milieu chrétien, créant le désordre plus que même chez les mondains. Au point où il y a des pasteurs qui sont divorcés, ils continuent à enseigner. Les pasteurs qui sont divorcés remarient même trois fois. Quand bien même sa Bible dit, dans ce livre de 1 Timothée chapitre 3, qu'il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme. Ça fait autorité, ça devait régler le problème. Donc si un pasteur est divorcé, il ne doit plus se marier et là il est disqualifié pour prêcher. Donc vous voyez un pasteur qui vous dit, ce pasteur s'était marié avec cette femme-ci, il a divorcé, il a pris une autre femme-ci, cet pasteur-là ne doit plus enseigner. C'est la Bible qui le dit. Ça, c'est la Bible, ça. Maintenant, si vous voulez vous compromettre, c'est votre problème parce qu'il n'y a pas une sortie pour cela. C'est pour ça que la Bible déclare, si vous lisez le livre de, on va y revenir parce que on va consacrer, après, pendant ces choses de mariage, on va passer le temps sur l'adultère, le divorce et tout le temps, tous les aspects. On va brosser tout le temps. Toute la Bible, c'est quelle est la pensée de Dieu, comment les divorces, pourquoi, ainsi de suite, pour voir tout au clair. Juste à ce qu'avant, on va tourner tout autour. D'accord, frère? Je crois qu'il faut qu'on finisse une fois pour toutes. Il faut qu'on en finisse une fois pour toutes avec le problème du mariage. Comme ça, vous aurez le plan parfait de Dieu derrière le mariage. Vous me suivez? Alors, on a vu dans la première séance que le mariage est une institution de Dieu. Tout le monde le sait. Nous avons lu Genèse chapitre 2, comment le mariage était prononcé. Et je vais faire un bond en avant. Si vous lisez, je crois que je vous ai donné également ce chapitre, dans Matthieu chapitre 19, vous lisez le verset 8, lorsqu'on a posé la question au Seigneur Jésus-Christ, il a dit que, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit au commencement? Et puis il a dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Quand le Seigneur Jésus dit, il n'en était pas ainsi au commencement, il vient de nous inviter à regarder à l'original. Il vient de nous inviter à regarder à l'original. Ça veut dire que s'il y a un problème qui crée des zones n'importe où, parce que justement les gens étaient dans la confusion. Faut-il faire divorce? Pourquoi Moïse a dit qu'on se divorce? Pourquoi on divorce? Si une femme a un homme et qu'il couche avec lui, le frère meurt, Moïse a dit qu'on prend jusqu'à 7 à la résolution de qui serait une femme. Ils avaient tellement de problèmes qu'ils les avaient embrouillés. Comme nous sommes embrouillés. Alors la question maintenant c'est, si tel pasteur se marie, il divorce. L'autre si se marie, divorce. Il y a des divorces. Et je vous avais dit dans une autre enseignement qu'il y aura des moments où il y aura le divorce record. sur la terre. N'est-ce pas? Alors, si c'est ainsi, et que ceux qui sont censés être appelés la lumière du monde sont eux-mêmes infestés, qui va enseigner qui? Le vrai problème, c'est qu'au milieu chrétien, il n'y a pas unanimité sur le mariage. Donc, chacun définit le mariage comme il veut, peut faire comme il veut, pense comme il veut, et il pense que Dieu a donné libre cours à chacun de penser. Exactement comme l'église. Laisse-le là-bas. Il est décidé de venir, non? Laisse-le. Exactement comme pour l'église. Ouais, chacun dit, je construis mon église comme ça. Chez nous, nous portons le blanc. L'autre dit, nous portons le noir. L'autre dit, nous portons la croix sans personne sur ça. L'autre dit, nous portons la croix avec quelqu'un. L'autre dit que notre moi de ceci, c'est ça. L'autre dit, ainsi de suite. Mais la vraie chose, c'est que chacun a la même Bible. Et vous allez dans cette Bible-là, vous voyez les personnes qui ont commencé, n'ont pas cette ambiguïté. La question maintenant, c'est d'où est-ce qu'ils sortent avec cela? D'où est-ce qu'ils sortent avec cela? C'est-à-dire pourquoi la Bible est comme ça et il y a diversité? D'un autre côté, on comprend que il y a donc la prophétie est censée s'accomplir. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses donc, qui ont été instituées par les hommes, normalisées et introduites dans la Bible, dans les choses bibliques. Suivez très attentivement. La Bible étant là, comme vous voyez là, il y a des choses que les hommes ont instituées et pris ça comme référence. Je vais recommencer doucement parce qu'il va aller. Et souvenez-vous de ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai pris un exemple et je vous ai dit dans la deuxième partie que lorsque Dieu fait quelque chose dès le départ, comme le Seigneur nous a dit en Saint Matthieu chapitre 19, le verset 8, il dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Et Dieu, la façon, il dit, Jésus veut dire qu'en réalité, si vous voulez regarder n'importe quel modèle qui vous dérange, regardez au commencement. Est-ce qu'à l'origine, le Créateur a fait comme ça? Si ce n'est pas comme ça, ça veut dire que il dit, le Créateur regarde le modèle originel. Alors, si le modèle c'est ceci, si plus tard il y a un problème, Dieu va dire, voici le modèle. Et Dieu donc, a donc mis le modèle là. Dans la deuxième partie, j'ai dit, je prends un exemple sur l'Église. Quand Christ, quand l'homme a péché dans Genèse chapitre 3, Dieu a donné une prophétie directement dans le chapitre 3, le verset 14 et 15, la postérité de la femme. Donc il vient de dire qu'une femme va engendrer un enfant mâle qui va vaincre, n'est-ce pas? Et j'ai dit, Dieu n'a pas dit que ce sera une vierge. Il a dit une femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. C'est ce qui est écrit. Pas vrai? Amen. Et là, c'est une prophétie. C'est la première manifestation de la solution du péché ici. La solution au péché. C'est-à-dire que Dieu dit comment il va faire sortir le péché du monde. Pas vrai? Amen. Maintenant, j'ai dit, faisons homme bon dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Quand nous disons Ésaïe chapitre 7, verset 14, nous voyons comment le prophète dit subitement que voici la vierge enfantera. Et vous lui donnerez un nom. Et on lui appellera du nom d'Emmanuel. Alors, on commence à comprendre maintenant qu'ajouter à la prophétie de Matthieu, de Genèse, chapitre 3, verset 15, que cette femme qui doit enfanter doit être d'abord quoi? Vierge. Alors, j'ai dit ceci, vous devez commencer à comprendre certaines choses de la Bible pour pouvoir avancer à votre niveau de mariage. Parce que, comme c'est tellement saccagé, il faut que je procède de cette façon pour que vous saisissiez. Parce qu'il ne s'agit pas maintenant d'amener mon opinion au milieu des plusieurs opinions qui s'y trouvent. Il s'agit de rétablir la pensée de Dieu. Et de parler à la manière de Dieu. Donc, ça ne se discute pas. C'est pour cela qu'il faut que ça soit dans la Bible. Il faut que ça se parle à la manière de la Bible. Donc, comprenant ceci, ça risque de vous choquer. Parce que vous avez certainement absorbé beaucoup de choses qui sont fausses. Et que ça vous secoue. Alors, on a normalisé ce qui est venu de l'étranger. Et on a écarté la norme qui est de la Bible. Par conséquent, les gens commencent à suivre ce qu'on a normalisé. Comme par exemple, vous voyez un pasteur, quand il a l'appel, première réaction, cours à l'école théologique. Que je m'en vais là-bas pour à l'institution pour qu'on me consacre et puis je sors comme ça. Là, tu demandes où est-ce que tu sors ça? Il dit c'est le Seigneur qui m'a dit de partir. Donc il laisse la Bible comme ça. Là. D'autres ne laissent même pas la Bible. Il parle qu'avec la Bible. Le modèle ici lui montre que c'est étranger, ce qu'il a envie de faire. Le modèle qui est ici lui démontre que c'est étranger. Que quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu t'appelle à un ministère, quand il t'appelle à un ministère, tu es prêt pour fonctionner. Quand il t'appelle à un ministère, tu es prêt pour fonctionner. Tu es prêt pour fonctionner. Et quand tu es prêt pour fonctionner, ça veut dire que lui, il a jugé que tu es en service. Tu dois être en service parce que tu as terminé la formation. Maintenant, quelqu'un dit qu'il l'appelle, il court à l'école de formation. On l'endoctrine avec les sauvageries. Après, il va sortir maintenant pour que Dieu dise que Tchabda, nettoie-le. Je suis le torchon, non? Alors, voici la Bible devant nous. Je vais recommencer ce que j'ai dit la dernière fois. Vous aimez la vérité. Amen. J'ai entendu Amen du bon côté gauche. Et c'est un Amen seulement. J'ai seulement dit que vous aimez la vérité. Je veux qu'on vous dise cela pour que j'avance maintenant. La dernière fois, je vous ai titillé un peu. Vous aimez la vérité. Amen. Je vais vous dire maintenant, en regardant bien dans les yeux, vous, dans vos yeux maintenant, vous savez, je n'ai pas prêché avec le verre noir, je n'ai pas ici, je vais vous dire la vérité, parce que ceci crée problème. D'accord? Donc, cet enseignement sur le mariage, on va aller jusqu'à ce que le Seigneur puisse là. Voici la Bible. Chacun lève sa Bible d'abord. Ok. Vous tous, vous les avez. Ok. Vous aimez ce que vous avez en votre main et ce qui est écrit dedans. Si c'est dedans là-bas, vous y croyez. Amen. Comment vous allez faire sur autre chose que vous avez déjà cru, qui soit contraire à ce que vous avez en main? Vous avez fait comment, frère? Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Maintenant, je vais aller doucement. Je vais avancer au niveau de la dot proprement dite dans la pensée de Dieu. La dot. Qui a fait quoi là-bas derrière comme ça? Écoutez très attentivement. Lorsque vous connaissez la vérité, ça va faire normalement la joie de ton âme, pas te pousser à la rébellion. Parce que la vérité doit t'amener vers le Seigneur. Pour que tu obéisses au Seigneur. Le but de la connaître la vérité, c'est de marcher comme le Seigneur le veut. Mais très souvent, les hommes peuvent prendre cela comme de la rébellion. Parce que ça challenge leur autorité à eux. Ça challenge leur façon de comprendre. Mais quitte à ce que quelqu'un me taxe de n'importe quoi, si c'est la vérité que je dis, je ne m'en plains pas. Vous coupez ma main pendant que vous allez finir de couper, je vais dire cette même vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, maintenant, la dot, je vais encore faire un bref résumé pour qu'on puisse saisir. J'ai dit la dernière fois que le mariage vient des dieux. Et même les peuples qui ne servent pas le Dieu que nous servons se marient. Ils reconnaissent par là que Dieu est souverain dans leur propre vie jusqu'à leur couple. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Les bouddhistes se marient, oui ou non? Les musulmans se marient, oui ou non? Même les homos, quand ils se marient comme ça, là, même dans leur père, même quand ils marient la mauvaise personne, ils se marient quand même. Donc, dans leur esprit, ils disent qu'il faut que je fasse l'institution de Dieu. Il faut que je fasse l'institution de Dieu. Parce que le mariage, c'est la première institution de Dieu. Donc, je fais l'institution de Dieu, mais je fais quand même mal. Donc, il faut seulement qu'on le corrige. Que non, on doit pas, l'institution de Dieu, ce n'est pas comme ça. D'accord, frère? Parce que Dieu a une pensée derrière le mariage. Quand il regarde l'homme et la femme, il voit Christ et l'Église. On va voir cela. D'accord? Maintenant. Si Dieu a institué le mariage, c'est à lui de le donner, c'est lui seul qui a les pensées des choses, du comment et de qui doit être impliqué dans le mariage. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Dans la première partie, nous avons défini le mariage comme étant la mort. Ça a été bien compris, n'est-ce pas? On a convenu que personne ne peut se marier de façon droite selon la parole de Dieu sans passer par la mort, parce que le premier couple, l'homme, est d'abord mort à lui-même. Pour qu'on fasse sortir sa femme qui était une partie de ses désirs. Nous avons vu cela. L'Éternel fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il prit une partie de ses côtes et l'enferma à l'endroit. Il fit la femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme. C'est ce qu'on avait vu. On a vu de la même façon que Christ. Quand il marchait sur la terre, Christ n'avait pas d'épouse sur la terre. Alors pour que l'Église épouse sorte, il faut qu'il passe par la croix. Et c'est quand il est mort, il est sorti, que la côte a été transpercée. C'est ça, frère? Voilà. Donc ça veut dire que tant que l'Église ne passe pas de cette façon-là, ou bien tant que quelqu'un ne passe pas de cette façon-là, par la mort et la sortie, alors ça veut dire clairement qu'il n'est pas encore marié et par conséquent il perd du tout pour ses intérêts. Prenons cette considération, la Bible déclare dans ce livre de quand mon grand frère Paul parle, il dit que nous voyons que si quelqu'un est mort pour tous, ça veut dire que celui-là pour qui il est mort, quand il vit, maintenant, il ne vit plus pour eux-mêmes. Il ne vit plus pour eux-mêmes, mais il vit pour celui qui est mort et ressuscité pour vous, pour tous. Vous voyez, effectivement. Donc, quand il est mort, nous aussi sommes morts à nous-mêmes. Nous sommes morts à nous-mêmes. C'est pour ça qu'on parle de la crucifixion de notre propre être, du nous. Le moi doit mourir. Vous le dites chaque fois, non? Amen. Il n'y a pas mariage sans ça. Donc, je suis dans l'église et dans le cadre du mariage pour vous saisissez. Alors, quand vous venez à Christ, vous n'avez plus de pensée propre. Vous devez lui obéir. Parce que nous sommes l'épouse, il est l'époux. On doit lui être soumis comme l'épouse doit être soumise. Alors, maintenant, Romains, le chapitre 8, nous explique que lorsque nous étions dans le monde, nous étions libres à l'égard de la justice de Dieu. Nous livrons nos mains comme nous voulions. Nous étions soumis au péché, n'est-ce pas? Alors maintenant que nous sommes venus de Dieu, nous devons nous livrer également entre lui pour que nos mains soient des instruments de justice. Pas vrai? Donc, de la même façon, comme nous sommes maintenant à Christ, nous nous livrons à lui. Quand tu es dans le monde, tu es libre. Ça veut dire que quand... Comme maintenant, vous avez des frères, des sœurs, des gens mondains. Donc, quand vous parlez de Dieu, il ne veut pas s'en sortir. Il ne veut pas entendre vos histoires. Là. Nous sommes d'accord, non? Il dit, va faire tes trucs là. Il part en boîte de nuit. Toi, tu ne peux pas partir. Parce que c'est ce que ton époux dit que tu ne dois pas faire. Vous savez, ça, frère? Tu ne dois pas aller chez le marabout. Tu sais exactement ce que lui dit. Il connaît ses règles, les règles de la maison. Parce que vous vous êtes mariés, vous avez votre acte, la Bible, la conscience de la maison. L'autre, dans une maison, dit on ne doit pas sortir ici à partir de 22h. On ne doit pas entrer ici au plus de 22h. On ne doit pas entrer. C'est les règles de la maison. Alors, les règles de notre mariage disent que nous devons nous soumettre. Et nous savons ce que notre époux n'aime pas. C'est pour ça que nous nous attendons à faire ce qu'il lui veut pour lui être agréable. De la même façon, comme la femme fait tout pour être agréable à son mari. C'est parce que vous voyez des parts et d'autres. Donc, le mariage typifie justement cela. Alors, lorsque la femme, l'église, est mariée à Christ, l'église n'a plus le droit de faire ses propres choses en étant libertine. Parce qu'elle a été rachetée. Elle appartient maintenant à un autre. Ça veut dire que cette personne a le droit sur elle, a l'autorité sur elle. Elle ne peut plus faire n'importe quoi de sa propre vie. Or, quand vous êtes dans le monde, vous allez en boîte, pas vrai? Vous faisiez ce que vous voulez, pas vrai? Mais maintenant, quand tu es en Christ, ça te change. Pourtant, il n'est pas donné toi chaque fois pour dire comme ça. Mais les règles te disent que tu ne dois plus le faire. Ou c'est ça, frère? De la même façon, une fille qui est non mariée peut aller n'importe où, voyager n'importe comment, aller passer, se soustraire. À l'instant où elle est mariée, ça limite son territoire. Alors, ses libertés sont privées au détriment de la liberté de son mari. C'est ainsi donc qu'il faut qu'elle meure à elle-même. Si elle n'est pas morte à elle-même, si vous voyez dans un foyer, une femme quitte, elle voyage sans dire à son mari, il y a un problème. Une femme dit que je peux faire ce que je veux avec mon argent, il y a un problème. C'est parce que vous comprenez. Si vous voyez une maison où la femme a sa chambre, l'homme a sa chambre, il y a un problème. C'est parce que vous comprenez. Où la femme a sa valise, où il a sa propre clé, où quand elle sort avec, il y a un problème. C'est parce que vous comprenez. Vous voyez une femme, c'est bien debout comme ça là. Elle dit, Gabriel, tu as mis ma chemise, une femme. Gabriel, tu as mis ma chemise là où? Je suis rendu du travail, j'ai mis ça ici hier. Tu as mis ça où? Le mari aussi dit, s'il te plaît, je ne sais pas où j'ai mis ça, c'était ici. Pour mouiller. Écoutez très attentivement. Lorsqu'on va avancer dans ces choses de mariage, on va toucher le niveau de serment, de l'alliance, de l'autorité, la limite de la femme et autres, la limite de la maman et autres. On va toucher tout cela. Pas avancer, frère. Ça allait tourner seulement pour venir quelque part maintenant. Donc, si vous êtes fatigué, vous me dites, vous prenez de l'eau ou bien la bouillie avant que j'avance. Mais je vais dire quelque chose ce soir. Nous allons toucher donc principalement la dot. Nous avons vu dans la deuxième partie que la dot pour la première mention se trouve dans le livre de Genèse, au chapitre 34, verset 12. N'est-ce pas? Et c'est un peuple païen qui l'a dit. N'est-ce pas, frère? Voilà. Et c'est un païen. Il s'agit de... Ah, vous parlez de la Bible. Je peux vous cracher ça maintenant comme c'est qui dit ça. Hein? Je vous amène doucement. On nage ensemble. D'abord, il faut qu'il vérifie d'abord. Tous ceux qui sont mariés, voient les hommes. Levez-vous voir. Tous ceux qui sont mariés. Que Dieu vous bénisse. Et tous les hommes qui sont mariés ici. Bon, ok, bon. Merci. Asseyez-vous. Vous souvenez dans la deuxième partie, je prenais l'exemple sur les dîmes, n'est-ce pas? Et on a vu que si vous voulez obéir à la Bible, il faut obéir de la bonne façon. Vous voulez dire que vous voulez marcher comme la loi dit, marcher comme la Bible dit. Si vous dites que vous voulez payer les dîmes, vous allez payer toutes les dîmes. Vous allez aller à Jérusalem, il y a les dîmes que vous allez manger à Jérusalem. Tant qu'on ne fait pas comme ça, vous ne payez pas les dîmes. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, la dot, je veux que vous voyez chaque fois dans mes yeux, vous me regardez bien, parce que ici, là, maintenant, je suis rempli de joie pour dire ces choses-ci. Parce que je sais que ma voix va traverser les cieux. Je sais que ma voix va traverser les cieux et ça va restaurer les choses. Je le sais. Et grande est ma joie maintenant de dire toutes ces choses que je vais dire là maintenant. Grande est ma joie que je vais dire. Ça va d'abord faire beaucoup de remous. Après, ça va calmer. Quand ils vont se calmer, ils vont se calmer doucement. Ils vont aller sur la voie droite quand ils vont vouloir aller sur la voie droite. On peut y aller. Voilà. La deuxième partie, nous avons lu Exode chapitre 22. Nous avons lu Deutéronome également au chapitre 22. Nous avons lu ça, n'est-ce pas? Je vous ai donné ce Genèse chapitre 34, verset 12. J'ai dit vous prenez du verset 1, mais c'est le verset 12 qui nous intéresse. Et nous remarquons que dans ce Genèse chapitre 34, il s'agit de lorsque Dina a quitté son peuple, lorsque Jacob et son troupeau et toute sa famille sont venus se camper là-bas près de Sichem. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Elle va sortir de la maison. Vous savez, les jeunes filles, on dit le fils du roi du pays l'a enlevé et là, déshonoré. Puis maintenant, quand elle a déshonoré, elle est venue maintenant voir son père, qu'on va prendre cette fille-là pour moi parce que je l'aime tellement. Je vais mourir d'amour seulement pour elle. Quand elle a vu Dina comme ça, là, elle a eu le coup de foudre. Écoutez même les mots que les mondains font. Que j'ai vu la soeur là comme ça, un coup de foudre m'a pris. Le coup de foudre. Quand il y a un coup de foudre, ça frappe quelque part. C'est pour la constitution mais la destruction, frère. C'est le coup de foudre. Il a foudroyé mon cœur. Vous savez, il y a les filles qui ont les yeux comme ça, midi 14h. Il dit qu'elle a le regard des pistolets. Vous savez, ils ont toujours les expressions, les pistolets. Quand c'est le pistolet, ce qui sort de là, c'est pour faire quoi, frère? Vous voyez une femme dans un dessin, un cœur ici, on avait les flèches dedans. Pour montrer qu'on a fait quoi de son cœur? On a poignardé son cœur. que la vie m'est déçue. Alors elle dit maintenant que j'ai fermé mon cœur, il y a le cadenas dans mon cœur, même si un homme dit raconte n'importe quoi, tous les hommes sont le menteur, vous êtes tous pareils. C'est pas ça, c'est pas elle le problème. C'est que, n'est-ce pas, elle est entrée dans la culture qui n'est pas normale. Et dans la culture qui n'est pas normale, là-bas c'est la chasse à l'homme. C'est sauf qui peut là-bas. C'est, vous allez dans une forêt, vous savez que dans le parc de Ouaza, c'est encore mieux, dans la forêt où il y a le serpent, les scorpions, ceci. Il n'y a pas de normes là-bas. C'est que si je suis prédaté, tu es proie. Quand il te voit, bonjour, merci Seigneur. Tu commences à rendre grâce de tout ce qu'il fait. Vous voyez comment le bois fait comme ça. Pendant qu'il est cherché la souris comme ça là. La panthère de l'autre côté comme ça, de poursuivre ces bois là. Il dit comme ça. Le bois est consacré sur sa viande. Il dit, oh, il lève la tête, il dit merci Seigneur. Malgré que tu m'as maudit à la dépoie, tu as quand même dit que je vais manger ici. Et quand il dit, la panthère comme ça, comme merde. Seigneur, je te remercie pour ce bois qui est comme ça là. En même temps, l'homme aussi derrière comme ça, que je vais tuer la panthère. La panthère. Vous voyez, c'est ce cycle là. Il n'y a pas de règles là-bas. Il n'y a pas de règles. C'est pour ça que vous voyez, quand le lion poursuit les animaux, les animaux, quand il poursuit, quand ils attrapent, les autres qui fuyaient s'arrêtent parce qu'ils savent qu'il a eu ce qu'il veut. Donc pour le moment, et le problème c'est que lui-même, il va être mangé un autre jour, il connaît. Et aller seulement dans une basse cour, là on élève les poussins. Quand on élève les poussins, vous qui élevez les poules, entrez là-bas, demandez à Seigneur que Seigneur, donne-moi la révélation de ce que les poussins sont en train de dire. Il n'écrit pas que qu'est-ce qu'il y a que la chaleur là. Il dit seulement que jusqu'à quand cette supplice de nous mettre chaque fois à la marmite va venir. C'est ce qu'il crie là-bas chaque fois. Quand vous entendez là au poulet, tu entends. C'est pas ça. Quand tu mets le pied, vous êtes de. Ils disent pas moi, pas moi. Que Seigneur, je prie, j'intercède. Que ce soit pour moi que c'est là, lui pour entrer à la marmite aujourd'hui. Parce que, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont destinés à cela. Donc quand tu parles à un, deux, tu sors comme ça, poum. Les autres disent que Seigneur, te remercie. Merci pour ta protection. Alléluia. Donc, quand on a fléché le cœur de cette femme-ci, ce n'est pas le fait que les hommes l'ont dessus. C'est parce qu'elle était calculatrice et on l'a calculée mieux. Vous savez, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à dire sur le mariage. Maintenant, revenons plus sérieux maintenant. Je vais dire cache et vais revenir maintenant pour expliquer doucement. Mais avant, il faut qu'on lise. Ce qu'on a lu la dernière fois, j'avance. J'ai dit une partie la dernière fois. Je vais avancer maintenant d'un cran. Vous avez assimilé une partie, donc je peux avancer maintenant. Exode. Donc, préparez Exode chapitre 22 et Deutéronome chapitre 22. On va y aller. J'ai cité ce qui est écrit dans Genèse chapitre 34, le verset 12, concernant Dina et Amon, le fils de ce roi-là. Vous êtes content, frère? Vous qui n'êtes pas marié, vous aurez affaire. On va toucher tous ces aspects-là. Notez Jérémie au chapitre 10, le verset 1 à 3. Notez cela. Jérémie, le chapitre 10, verset 1 à 3. Que Dieu notre Père vous bénisse. Amen. Recevez donc les salutations de tous les frères dans le monde entier, les frères Eden, Yao, Jules, Achille, du côté de Madagascar, ceux de Sénégal, Canada, ainsi de suite. Recevez les salutations, d'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse. Et pensez à eux dans vos prières. Quand vous priez, priez pour vos frères dans le monde entier, même si vous ne les connaissez pas physiquement. J'ai dit quel passage déjà, quel livre? Exode. Bon, non, j'ai dit vous notez Jérémie, vous allez lire, mais c'est ce qui est écrit là-bas. Exode chapitre 22. Permettez-moi de trouver dans ce livre, c'est Exode. Le chapitre 22. Donc, quand vous rentrez chaque fois, méditez sur tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. Parce que, quel qu'en soit, vous savez, quand les sacrificateurs avaient pris en otage la loi, ils pensaient qu'ils devaient continuer toujours comme ça jusqu'à ce que Jean-Baptiste entre au milieu. On dit que Dieu l'a envoyé pour venir préparer au Seigneur un peuple au cœur disposé. Donc ils étaient là conseil bavardés, vous savez qu'ils n'étaient pas disposés à le recevoir. Pourtant ils lisaient la Bible, ils lisaient les Torah, ils respectaient les règles. Mais ces règles-là ne les amenaient pas à la vérité parce que c'était déjà embrouillé. Quand les choses de Dieu sont mélangées avec les traditions, Dieu se retire. Quand les choses de Dieu sont mélangées avec les traditions, Dieu se retire parce qu'il n'est pas dans le mélange. C'est pour cela que la race sainte ne devait pas être mélangée. On voit tout cela. Exode chapitre 22, lisons le verset 16. Je vais lire, d'accord? Suivez attentivement. Si un homme séduit une vierge si un homme séduit une vierge, j'ai dit la dernière fois qu'on soulignait quoi, frère? Vierge. Qui n'est point fiancé et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Soulignez ça. Puis je vous pose la question. Cet homme qui a séduit la vierge et couché avec elle paie la dot de qui? À haute voix. Il paie la dot de qui? De la vierge. Eh bien, quand vous comprenez déjà la Bible, lorsqu'on va finir à fermer la Bible, vous allez me regarder, vous allez me dire encore cela. Elle la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder dans cette vierge qu'il a déshonorée, n'est-ce pas? Il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Vous avez vu la dot des vierges. Soulignez la dot des vierges. Ne courez plus en lisant la Bible avec les pasteurs. Ne lisez pas avec la lunette de vos pensées. Ne lisez pas la Bible avec ce que vous avez déjà écouté. Pour être neutre, sans appartenir à un groupe ni à quelqu'un, mais dans le camp du Seigneur, il faut lire la Bible à la manière de la Bible. Alors, on dit ici, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc, deux choses sont dites ici. On dit la valeur en argent. Donc, ça suppose que la dot n'est même pas d'abord en argent. Alors, dans ces conditions-ci, il va donner ce qu'il devait donner en argent. Je ne sais pas si ça se comprend. On dit il paiera la valeur en argent. Supposons donc que tu commets un tort à quelqu'un, peut-être un champ, et tu devais lui donner un autre champ. On dit maintenant que, ok, si tu fais ces choses-là, tu vas donner la valeur en argent de ces champs. Ça veut donc dire que ce que tu devais donner comme champ, tu vas convertir cela en argent et donner. Ça suppose donc que, initialement, le paiement n'est pas fait en argent. C'est dans ces conditions-ci qu'on donne la valeur en argent. C'est ça, frère? Amen. Ok. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Deutéronome chapitre 22. Avancez devant. Lévitique, Nombre et Deutéronome. Vous savez, ces choses-ci, quand Dieu ne vous a pas envoyé enseigner, il faut faire attention. Alors vous voyez, chacun prend la position. Et ça a bouleversé les familles. On ne prend pas la dot. Son église dit qu'on ne prend pas la dot. Qu'on n'a pas doté cette femme-là. Et d'autres femmes sont même dans le mariage. Chaque jour, elle dit à son mari que tu t'amuses, rentre chez nous parce que tu ne m'as pas doté. Aujourd'hui, vous allez comprendre la vérité. Vous allez comprendre la vérité. Non, tu n'es même pas venu voir mon père, tu ne m'as pas doté. Vous allez réfléchir quatre fois pour prononcer maintenant les mots. Allons-y, chapitre 22. À partir du verset 13, nous allons lire doucement. Je crois que nous avons lu le passage, c'est la dernière fois, n'est-ce pas? Si un homme a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, c'est le jour qu'il faut méditer. S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, vous avez vu ça? La réputation, souligner parce que vous avez parlé tout à l'heure de la virginité d'abord avant d'avancer. De sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle. Vous comprenez le langage, n'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire, je me suis approché d'elle. Et je ne l'ai pas trouvée vierge. Donc on dit que s'il dit ça, il a envie de tenter comme ça sa réputation. Ça veut dire que si c'est le mensonge, c'est sa réputation qu'elle est en train de mettre en jeu. Donc, l'accusation de la non-virginité était passible de punition. Aujourd'hui, c'est normal, parce que c'est même la maman et le papa qui disent à sa fille à la maison que c'est pas normal, tu n'as pas de copain. Montre-moi qui est ton copain. Il faut l'amener ici pour que nous le connaissons, pour qu'il soit officiellement reconnu. Voilà ce que le monde a normalisé. Le copinage à la maison. Chez les pasteurs, ça se trouve. Le copinage à la maison. Écoutez très attentivement. On dit, alors, verset 15, le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Je pose la question. Les papas de notre époque et les mamans de notre époque peuvent prouver la virginité de leur fille, peuvent être témoins de la vie. Regardez ce qui est écrit, ce qu'on exige. Parce que les papas courent seulement de tu n'as pas doté, tu n'as pas doté, tu n'as pas doté. Attendez seulement. Vous avez dit qu'on veut la vérité? Non, frère. On dit, si ce garçon, ce qu'il a pris en fuite pour aversion, ça se pense que. Un garçon qui s'est engagé dans le mariage et est allé vers elle, après elle dit elle ne me satisfait pas, l'aversion. Pourquoi? Il n'y a pas d'enfant ici. Il a trouvé que au lieu de trouver une piste, j'ai trouvé un boulevard. Vous comprenez ce qu'on a dit là? Il dit qu'avec ce rythme-ci là, je peux aller n'importe où. Donc ça veut dire que là, ça ne me convient pas. Il ne me sent pas à l'aise dans ce boulevard. J'aime les pistes. Il va rentrer maintenant, dit à son père que non, il ne veut pas votre fille. Il n'est pas trouvé vierge. On dit que si c'est le mensonge qu'il est en train de dire, il faut que le père vienne prouver que c'est le mensonge qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il va faire, frère? Il doit produire le signe de sa virginité. C'est-à-dire que le parent va amener le signe de sa virginité. Vous savez ce que ça veut dire, non? Parce que normalement, lorsque les gens sont mariés, ils doivent fixer le lit. Ils doivent arranger le lit pour consommer. Et si on consomme, s'il y a virginité, il y a preuve. Maintenant, avant que les gens ne se connaissent, ils ont consommé ça depuis, ils oublient la première fois qu'ils avaient consommé. Après, j'entends que je l'ai rencontré en 1980. On s'est marié 30 ans plus tard. Vous viviez comment depuis au juste? Vous savez, ne me faites pas dire des choses, mais je vais dire la vérité, mais ces choses-là, laissez-moi vous aimer trop, mais entendre les choses déjà. Verset 15. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et l'a prise en aversion en lui, et il lui impute des choses criminelles, en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Donc, il faut que le papa se prouve. Et il y a des pères qui ne contrôlent pas leur fille. Bon, de toute façon, ils ont même l'enfant à la maison. D'autres, même, couchent avec leurs propres filles. Ils ont les enfants. C'est-à-dire, ils couchent avec la maman, ils couchent avec la fille. Je ne sais pas quel genre de maman. Verset 18. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Vous y êtes? Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Verset 20. Mais s'il est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, écoutez très attentivement ici. On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra. Pourquoi? Parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Amen. Vous aimez la vérité, frère? Vous aimez la vérité? Amen. Maintenant, la Bible nous enseigne qu'on payait la dot, que dans la pensée du Très-Haut, écoutez-moi très attentivement, je veux toute votre attention. Si vous lisez donc bien la Bible, j'ai fait tout et tout comme ça pour que le Saint-Esprit puisse parcourir vos pensées pour vous préparer. C'est tout ce que j'ai fait. En réalité, bon, disons ça plutôt de cette façon, allons avancer avec la Bible. Si vous lisez la Bible de la bonne façon, depuis la Genèse, vous arrivez ici où on en a délivré ça en loi. Vous allez remarquer que la dot est uniquement pour les vierges. Pas n'importe quelle vierge en tout cas. Les vierges. À haute voix. Les vierges. Israël. Vous avez tout faux, c'est pas ça. Je vais avancer doucement. Je pense qu'il faut y avoir. On avance ensemble. Vous lisez la Bible de la bonne façon. Parce que en fait, après Genèse chapitre 34, verset 12. Où les le... qui ont des preuves. Des preuves. Non, pas ça. C'est ça le vrai problème là-bas dedans. C'est mal non plus ça. Continuez à chercher toujours comme ça. Mais pourtant, on a lu les deux passages ensemble. Je recommence encore. Si vous lisez la Bible depuis la Genèse jusqu'à ce que vous arrivez là-bas, et en plus, en fait, par la suite, vous n'entendez plus là jusqu'au dans 1 Samuel chapitre 18, avec les prépuces des Philistins que Saul va vouloir faire pour David. On va y arriver maintenant. Ce que je veux dire, c'est que vous lisez votre Bible de la bonne façon. Vous portez la bonne lunette pour regarder. En remontant devant le trône, maintenant, alors que nous nous tenons ici, dans la pensée de Dieu, la virginité est assez chère. La virginité est assez chère. C'est ça qui a coûté la vie, la vie à Adam et à Ève. La virginité est assez chère. Je crois que la dernière fois, nous sommes sortis au niveau de 2 Corinthiens 11, où l'apôtre Paul a dit, pour concerner l'église, que je suis jaloux d'une jalousie de Christ, de Dieu, car je vous ai fiancé à une seule épouse comme une vierge pure. On va reverser pourquoi l'apôtre Paul nous dit comme ça, et comment il nous a fiancé à Christ comme une vierge pure. Maintenant, alors la question maintenant c'est, Dans ce Exode chapitre 22, verset 16 et 17, et Deutéronome chapitre 22, verset 13 à 17, le Saint-Esprit nous montre. Écoutez très attentivement, Église, et que ça, la correction soit là. Les discussions, on ne m'a pas doté. Il faut que tu me dotes d'abord. Le mariage, comme si vous allez voir au fur et à mesure qu'on va pour vous expliquer, tout va s'arranger. Le mariage, un mariage biblique, un pasteur prend la Bible avec le col blanc, il dit quelque chose, tu le regardes, tu dis, mais celui-ci, lui, il a ramassé ça, il prend la Bible, il s'arrête là. Il dit que pour un bon mariage, selon Dieu, tu dois te marier, tu dois payer ta dot. Se marier à la, vous appelez, à la mairie et à l'église. Tu dis, montre un seul verset de Dieu pour chaque cas. Un seul. Pour chaque cas, il montre, il n'en a pas. Il n'en a pas. Vous avez dit, vous m'aimez, frère. Vous ne m'aimez pas, je vous aime. Vous ne voulez pas écouter, je vais vous dire. Vous entendez, ça vous juge. Il n'y a pas un seul verset biblique qui dit que vous devez payer la dot. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Écoutez-moi, regardez-moi bien dans les yeux maintenant. Il n'y a pas un seul biblique qui vous prescrit de payer les dot. Il n'y a pas un seul biblique qui prescrit à quelqu'un de prendre les dot. Je vous lance le défi maintenant d'en trouver. Si vous avez lu votre Bible, de Genèse 1:1, Apocalypse 22, jusqu'à le dernier verset, si vous en avez trouvé, montrez-moi. Si vous avez une recommandation de payer ou de prendre la dot, montrez. Je vous attends. Vous allez parler de la parole de mon père, vous allez parler comme il se doit. Si vous n'êtes pas de ma famille, ne parlez pas ainsi de mon père. Le pasteur m'a accompagné jusqu'à ce qu'on a doté sa femme. On a doté la femme. Le pasteur, il est derrière. Allons doter la soeur-ci-là. Écoutez, je recommence encore. Je m'en fous de ce que la tradition pense. Je m'en fous de ce que telle ou telle culture va penser. C'est pour ça que dans la première et la deuxième partie, j'ai dit que le mariage, on confond le mariage à la célébration. Le mariage ne diffère nullement. Ce sont les célébrations ou les manières de célébrer cela qui diffèrent. Je vais prendre l'exemple pour que vous me compreniez très bien. Il y avait trois personnes debout. Trois personnes, si vous savez que vous êtes des tribus différentes, on va avancer. Pour que vous cessez, je suis en train de le dire. Tu es de quelle région, frère? Tu es de quelle région, frère? L'Ouest. L'Ouest. Il y avait quelqu'un donc du littoral. Il y a quelqu'un du littoral? Les Westerns sont pleins ici. Ou bien, il y a quelqu'un du littoral dans cette salle-ci? Non, mais c'est pas curieux, ça. Bon, il y a quelqu'un du Nord? Quelqu'un de l'Est? Wonderful. Bon, ok, prenons les deux ici alors. Comme vous êtes tous de quoi? Vous êtes tous du centre. Donc vous tous qui êtes assis là, vous êtes soit du centre, soit de l'Ouest, c'est ça? Toi, tu es du centre. Je prends un exemple simple, je ne vais pas lui poser de questions. Je prends seulement centre et... Tu as dit quoi, frère? De l'Ouest. Supposons que ce frère-ci, je veux que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Bien. Soyez concentrés pour que je dise l'avant d'avancer. Parce qu'elle dit, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. On ne peut pas admettre autrement. Même si vous ne pouvez même pas avaler, mettez de l'eau, ça va aller doucement. Même si vous ne pouvez pas comprendre maintenant, vous allez comprendre plus tard. Ce frère, c'est du centre. Et selon sa tradition, parce que même si c'est dans le centre, il y en a encore beaucoup de tribus dans le centre dont les célébrations diffèrent d'un lieu à un autre. Alors ce frère, s'il est du centre, je crois qu'il faut permettre à la maman de passer. Je veux pas de mouvement, parce que on a de toucher, il faut qu'on touche la dot avant d'avancer. Et aujourd'hui, je vais en finir avec. La prochaine fois, on va avancer avec d'autres. Maintenant, ce frère, c'est du sang. Je vais prendre, supposons que dans sa communauté, on dit pour marier une femme, il faut une tine d'huile, deux chèvres, un poulet. Alors, si dans les deux tines d'huile, une tine d'huile, la chèvre et le poulet, selon ce qu'on a demandé, quand il parle maintenant, on dit le parent, quand il marche, il dit que Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse, même comme c'est l'idolâtrie, qu'il vous bénisse, que votre mari soit béni. On dit que non, le père a honoré le mariage. Une tine d'huile. La chèvre, le canard ou n'importe quoi, ou les œufs de poule, quoi, qu'on demande. Chez celui-ci, c'est les Westerns. On dit qu'il faut qu'il apporte la cola rouge, la cola blanche, le butacola, le vélo, le moule. N'est-ce pas la maman? Ça, s'il apporte ça, c'est la liste comme il a dit que va chercher. Quand tu viens avec, on démarre. Écoutez très attentivement, c'est pour cela qu'on a maintenu les gens dans la fornication pour longtemps. Ça doit s'arrêter. C'est pour cela qu'on a maintenu les gens dans la fornication. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. C'est un peu comme les pasteurs qui prennent les dîmes par ici, ils prennent les offrandes par là-bas. Quand on dit, parce qu'on a toujours vu ça, on a cru que comment on dit que si tu ne payes pas, j'ai vu quelqu'un qui il a dit que les gens se trouvent en fait parce qu'ils ne payent pas. On ne me ferait pas avec cela. Parce que je ne me trouverai jamais là-bas, je sais où je partirai. C'est pas parce que quelqu'un va dire, j'ai dit clairement que si tu vois, que tu me montres la cellule de l'apôtre Pierre en enfer et l'apôtre Paul, tu vas me dire parce qu'ils n'ont jamais payé. Ils n'ont jamais prêché comme paye. Donc s'ils vont en enfer, je vais en enfer. S'ils sont au ciel, je suis au ciel parce qu'ils prêchent comme eux. Amen. Alors, nous avons convenu que ici au centre, on demande, je prends seulement ces deux échantillons. Ils peuvent prendre comme ça toutes les cultures. Après, je vais poser la question, vous me répondez. Si ici, on demande l'aigle royal, le coq noir, la chèvre brune, ou n'importe quoi, pour qu'on agrée le mariage. Ça, c'est la famille, là. Et ici, on demande la tine d'huile, le vélo de la grand-mère, la pipe du grand-père, le départ, parce que c'est les gens de l'Ouest. Vous savez, ils ont les choses qui font ça, papa, ils mettent au nez, après, ils font, tiens! Oui, le tabac. Ouais, ils aiment ça. Après, ils font ça. Ok, si on demande ça à ses frères ici, vous allez remarquer que les éléments que c'était pour le frère de l'Ouest sont différents ici. Ok, suivez attentivement maintenant. Là, c'est là où ça devient intéressant. Si ce que le frère va donner, quand il finit de donner ça, avant qu'il y ait mariage, il faut que le frère fasse la même chose comme celui-là a fait pour qu'il y ait mariage. Sinon, il n'y a pas mariage normalement. Il dit là devant Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que cette Bible-ci, vous écrivez en n'importe quelle langue, ça doit donner le même commandement pour tout le monde. Il n'y a pas un pays où Dieu dit qu'il tolère la fornication. Et un autre pays où il condamne la fornication. Il a dit que rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il n'a pas dit qu'à un les Juifs, vous ne pouvez pas quand même avoir la paix. Qu'à deux les Bamiléquins, vous pouvez quand même vous voter dans la boue. Non, non, non. C'est pour tout le. Voilà. Ça règle le problème, frère. Alors, dis à ton frère, pointe quelqu'un dans le nez. Pointe quelqu'un dans le nez. Dis, les commandements de Dieu sont universels. Transcendent les cultures. Transcendent les cultures. Brisent les barrières. De temps. Si vous avez compris, ça, je vais avancer. Je peux avancer. Qui ça? Qui? Il ne t'a pas levé quand tu as demandé les gens de qui? Il devait se lever pourquoi? Il devait se lever pourquoi? Demandé. Bon, on avance ici. Est-ce qu'il va, ça va faire qu'il soit marié? Bon, on avance ici. Vous êtes avec moi. Alors, je recommence encore. Lorsqu'il a dit répentez-vous, il le disait à quelle culture? Ok, donc ça veut dire que si quelqu'un croit chez les gens du centre, il dit non, dans notre culture, si on a quelqu'un dans le va mourir. Il a besoin de délivrance. Il a besoin de délivrance. Parce que sa culture l'a enchaîné. Parce qu'il doit se conformer à la parole. La parole ne doit pas venir dire que, hey, comme chez vous, quand les gens entrent dans l'eau et meurent, Seigneur, j'intercède, pardon, donne la faveur pour qu'ici, ils ne baptisent pas. Ça, son commandement est universel, c'est pour tout le monde. Si tu, si tu crois, tu dois passer, tu es pour te baptiser. C'est ça, frère? Amen. Alors, dans ce cas, que dit de la première institution? Si tel est le cas, que dit de la première institution? La question c'est, si c'est la première institution de Dieu, et que la première des institutions de Dieu est son but pour lequel il va développer plus tard dans la Bible avec les différents exemples pour arriver à la manifestation de la pleine institution qu'il voulait montrer. Hein? Alors, dans ce cas, qui a le droit d'ajouter quoi que ce soit ou de trancher quoi que ce soit par rapport à ces décrets? Si tel est le cas, aucune culture ne doit y ajouter quoi que ce soit et nous pousser à comprendre que c'est ça qui est la norme. Si tel est le cas, aucune coutume ne doit rien ajouter à ce que Dieu a dit ou retrancher de ce que Dieu a dit parce que c'est la norme chez eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors donc, ce que tu as dit donc maintenant, c'est que c'est les festivités qui diffèrent d'un lieu à une autre. Le mariage proprement dit, ce que Dieu appelle mariage est universel. Et donc le mariage donc consiste donc à l'accord. Parce que partout, ce qui est universel, c'est l'accord. Ce qui est universel, c'est l'accord. Voilà là le mariage. Donc, vos histoires étaient tenues là-bas qu'il faut payer la dot. Allez, on vous signe la bague du mariage. Alors dans ce cas, je pose la question tout simplement. Le pygmée qui ne connaît pas le mariage à la mairie, est-il marié, oui ou non? Oui. Si tu me dis que dans ce cas, Dieu va considérer comme si il ne connaissait pas la loi du mariage, montre-moi la mairie dans la Bible. La Bible déclare que toute personne soit soumise à l'autorité de l'État. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est quand tu auras ciré de lui décrire l'acte de mariage avec ta tête sur ça, pour ta tête, pour la femme comme ça, que tu es marié? Non. Si tel est le cas, le premier Adam n'était pas marié. Abraham, notre père, n'était pas marié. C'est ça que je vous dis que si ici il y a quelque chose et que l'autre n'obéit pas, si dans les deux cas, Celui-ci obéit, il est marié. Celui-ci n'obéit pas, il est marié. C'est que ce n'est juste pas la condition pour le mariage. Le bon sens voudrait faire que les gens se taisent quand ils ne connaissent pas quelque chose. Le bon sens. Parce que si on te dit de ne pas forniquer, Dieu ne va pas me dire que moi fornique et nous lisons la même Bible. Ça ne va pas marcher comme ça. C'est pour ça qu'il a donné un plan pour tout le monde. Quand il dit, dans ces deux, Romains chapitre 12, verset 1 et 2, il dit, je vous exhorte donc par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est pour qui ça, frère? Si tu dis que tu veux te conformer, tu dis que tu es enfant de Dieu, le même commandement est pour toi comme pour lui. C'est ça, frère? Alors, si toi, on t'exige une chèvre pour que tu sois marié, et à lui, on n'exige pas pour qu'il soit marié. Et quand tu donnes ta chèvre et que les gens disent que tu es marié, et que celui-ci de son côté ne donne pas la chèvre, il est marié, vous avez un problème là. Ça veut dire que vous allez rendre vous marié selon les hommes, pas selon Dieu. Le mariage selon Dieu n'est pas cela. Ça, c'est un petit parle du Seigneur. Le mariage selon Dieu, ce n'est pas cela. Parce que nous avons lu dans Genèse chapitre 2, verset 18, que quand Adam a dit, voici enfin l'os de mes os, chair de ma chair, la Bible déclare que Dieu a dit. Ce n'est pas Adam qui a prononcé ça. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est Dieu qui a dit cela. Donc l'homme se soumet à son autorité, il fait le choix de sa femme, et quand il fait son choix, les deux deviendront une seule chair. C'est pour ça que si vous lisez Malachie chapitre 2, on va y revenir en profondeur lorsqu'on va toucher le cadre des divorces. Dans Malachie chapitre 2, verset 16, il dit que parce qu'un seul a été témoin, parce que j'ai été témoin entre vous et la femme de ta jeunesse, j'ai été témoin. J'ai été Dieu dit, le Dieu du ciel, qui a institué le mariage. Et Jésus a dit dans Matthieu, il sait pourquoi que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Qui joint le mariage, frère? Dieu. Vous devez vous repentir tout le monde, je vous le dis. Vous devez vous repentir tout le monde. Si Dieu joint le mariage, et que c'est Dieu qui joint, et que l'homme n'a pas quoi que ce soit à tenter là-dedans pour disjoindre cela, et que vous dites que quand quelqu'un met la main sur la tête, vous êtes béni, mais ça vous joint au ciel, vous devez vous repentir parce que vous mentez de la parole de Dieu. Et c'est parce que vous comprenez. Si vous dites, je suis pasteur, je mets une femme ici, comme on fait souvent. On fait tout genre de choses là-bas, on les met à l'honneur, on met les bouquets de fleurs, on met l'arrange, on met l'oreille ici, la natte, on les met à genoux. Vous voyez le paganisme, n'est-ce pas, frère? On les met à genoux. La bague qu'on a offert à la mairie, on ressort maintenant. On lit sur ça. Vous voyez nos cultures, les cultures religieuses. On croit qu'en faisant ça, on chasse le démon de, vous appelez Mami Wata, des sillons les eaux. Les sillons les eaux n'entrent pas dans la bague, c'est dans le cœur que ça entre. Versez-lui dans ce cœur-là. C'est pas dans la bague que ça fait. Il y a des hommes qui ont la même bague comme ça pour trois filles différentes. Quand il vient vers toi, tu vois, tu dis, hey, c'est mon chéri. Il parle à Limbe, il a une autre fille avec la même bague. Alors, ce que ça veut dire que personne n'a autorité pour mettre deux personnes qui se marient, entre guillemets, donc à genoux, pour dire que je mets la main sur sa tête et sur l'autre sur sa tête pour dire, il n'y a aucune autorité qui lui accorde cela. Jamais. Jamais, il n'y en a pas. On ne peut pas trouver ça dans la Bible. Et là, deuxième cas maintenant, il n'y a aucune autorité qui demande à quelqu'un d'exiger la dot à une personne qui s'est mariée. Il n'y en a pas. Vous n'en pouvez pas trouver. Vous ne pouvez pas trouver, frère. Il dit, même parce que devant vous, vous avez votre Bible. Trouvez un, et puis on avance. Un, dans la Bible, un. C'est-à-dire que si quelqu'un dit, la Bible dit qu'il faut exiger la dot, montre un seul passage, je dis un seul passage. Nous avons lu Deutéronome, Exode 22. Nous avons lu Deutéronome où c'est écrit littéralement. J'attends seulement, il dit seulement j'attends. Normalement, on devait poser la question, mais frère, je vais voir si là on a lu la dot. Pourquoi je dis montre un seul? Je veux qu'on dise d'abord ceci pour que ça choque avant de venir dire ce que le verset dit à proprement dit. Donc, celui qui exige la dot est un voleur. Exactement comme un pasteur qui exige la dîme aujourd'hui est un voleur. Voilà, ça, je crois que c'est clair comme ça. Celui qui exige la dot est un voleur. Mais normalement, quelqu'un qui est du monde, qui ne connaît pas ces choses, est censé voler. Donc, il n'y a pas de problème pour lui. Donc, si tu exiges la dot, c'est un des attributs de son père qui manifeste. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, ça vous affranchira. Maintenant, moi je suis dans marié. Vous voulez vous marier, vous qui ne vous êtes pas marié, c'est votre problème maintenant. Allez confronter ça avec vos beaux-parents. En fait, même les beaux-parents mondains ne laisseront pas ça faire. À combien de raisons, mais les chrétiens, qu'eux ne comprennent pas ça. Le pasteur va dire, quoi? J'ai dépensé l'argent sur lui comme ça, pour que tu viennes prendre ça comme ça. Non, non, c'est pas comme ça. On va avancer dans la Bible. Alors, je recommence encore, haut et fort, quelqu'un prend la dot, il n'a pas de base biblique. Quelqu'un donne la dot, il n'a pas de base biblique. Si vous voulez donner la dot ou prendre la dot, vous devez donner à la manière de la Bible ou prendre à la manière de la Bible. Alors ma Bible, vous ne voulez pas, je n'ai pas écrit de Bible, ta Bible, votre Bible dit que la dot est faite pour les vierges qu'on a déshonorées. Point final, c'est ce que la Bible enseigne. Si elle est vierge et se marie, on ne prend pas la dot. Si on la viole, on paie. C'est ce que votre Bible enseigne. C'est ainsi parle la parole. Voilà donc votre Bible. Si vous pouvez dire autre chose, dites autre chose, mais on ne peut pas prouver. C'est ce que la Bible dit. Il n'y en a pas un verset où paiera d'autres c'est quiconque. L'université de la Bible, à l'université, allez prendre la Bible tombe de vous venez. Donc c'est pour cela qu'il fallait que vous prépare pour vous dire ceci. La Bible, mes chers amis, la Bible, mes chers frères, la Bible, mes chères sœurs, ne donne aucune autorité à quelqu'un de prendre une d'autre. Si vous devez prendre une d'autre, la condition c'est que votre fille ait été vierge et qu'on l'ait violée. C'est pour cela que dans le cas de Dina, la première fois que ça a été fait, le gars a dit que exactement une faute d'autre parce qu'il est d'abord violé. Et c'est ça qui a été régi en loi là-bas dans l'Exode. En dehors de ça, il n'y a pas un endroit où on exige la dot. Alors, tous les endroits de la Bible, donc, qu'il y ait un mariage, il n'y a jamais eu d'autre. Allez trouver maintenant. Maintenant, on peut entrer maintenant dans la Bible, maintenant, si vous voulez. Mais dans la quintessence, vous les avez. Vous ne pouvez plus maintenant dire quoi que ce soit. Doucement, ne parlez pas. À manger, buvez d'abord. Respirez. Il arrive. On est là toute la soirée. Il est quelle heure? Il est 21. Doucement. Mangez d'abord. Quand vous allez finir d'assimiler, vous avez. Je vais encore réitérer ça pour un être, on ne peut plus clair. Alors lorsqu'on dit, l'église enseigne qu'on ne paie pas la dot. Chez nous, nous payons la dot. Ce sont les gens qui divisent les familles. Ce n'est pas qu'on divise la famille. Vous voulez obéir à la Bible, frère. En fait, vous avez dit ça dès le départ. Vous vous dites là que non, je ne sais plus. C'est ce que la Bible enseigne. Vous devez faire à la manière de la Bible. Si vous prenez la dot, montrez un verset biblique qui vous donne le droit de prendre la dot. Ma Bible enseigne que les gens pour qui on paye la dot, ce sont des gens qui ont été déshonorés. Maintenant, on peut rentrer à l'origine, ce qui s'est passé avec Ève, frère. C'est pour cela que Dieu a puni Adam, parce qu'Adam ne devait plus aller vers Ève après qu'elle ait été déshonorée. C'est pour cela que Joseph, sachant que Marie pourrait être déshonorée par un homme pour qu'elle puisse porter l'enfant, a voulu se soustraire. Vous comprenez ça, frère? La virginité. La virginité. Je vais y revenir. Dans ce processus de prédication sur le mariage, je vais revenir pleinement sur la virginité. C'est pour ça que je vous ai demandé de souligner dans cet exode là-bas, la dot des vierges. Il n'y a pas la dot dans la Bible pour quelqu'un. C'est la dot des vierges. Et cette dot-là, c'est quelque chose pour. C'est le signe de réparation. Parce que il y a une chose que vous enlevez, on ne peut plus remettre, c'est la virginité. Et c'est la chose la plus précieuse qu'une femme puisse avoir. C'est pour ça qu'on a parlé de porter atteinte à sa réputation. Tu mérites la condamnation. Et si ce que tu dis était vrai, il fallait qu'elle soit lapidée pour ôter le mal. Donc, briser la barrière de la virginité est une abomination devant le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit dès le départ que vous allez confronter votre culture maintenant à la lumière de la parole. Alors, tu exiges la dot. Chez vous, vous demandez le riz. Vous prenez ça où? Dans la Bible. L'autre exige la chèvre. Tu exiges la chèvre. Vous prenez ça où? Et c'est notre règle ici. Maintenant, vous avez des questions avant qu'il avance. Posez donc toutes vos questions. Sentez-vous libre maintenant. Oui, mon cher. Moi, je parlais pas de la dot. Je vois plutôt quelqu'un qui spontanément donne des questions. Non, si ce n'est pas la dot, il pose des questions. Je ne veux pas que vous donnez votre avis. Posez des questions. Si c'est la spontanéité, je connais tous les endroits où il y a la spontanéité qui donne les cadeaux. Avançons là-bas, oui. Bon, c'est pour dire que tu es en deux coudes avec moi, c'est ça? Il se lève et dit, ok, bon. Comme tu as exigé la question, voici donc une qui arrive. Oui. En fait, c'est pas. C'est parce que je vais dire que c'est le chrétien, mais sans religion. Il faut donc savoir si maintenant le mariage consiste dans. Si c'est dans l'entreprise, si c'est donc que. Bon. Comme tu as dit que ce sont les festivités qui disent. Si maintenant, entre temps, le père, je vais dire la belle famille, demande au beau-fils, donne au beau-fils la liste qui doit lui concerner à d'autres. Il présente la liste au beau-fils. Bon, je vais être court. Tu fais même d'être court depuis là. Il dit, bon, comme tu as dit que c'est l'accord. Et maintenant. C'est pas moi qui dis, attends, il faut qu'on soit clair. J'ai dit haut et fort ce que la parole de mon père dit. Je pose une question. Tu as vu un mariage où on dit que viens te marier, tu pars. Ça, c'est chez les musulmans que ça se trouve. Ou on marie quelqu'un même depuis l'enfance. D'accord? Oui. C'est pour cela que si elle quitte le mariage, elle connaît la vérité, elle quitte un mariage, elle n'est pas coupable. Écoutez, oui, je vais avancer là maintenant. C'est pour ça que je veux toucher le cas de divorce. Cet enfant-ci se trouve chez les musulmans. Un vieux papa qui a roulé sa bosse avec les démons de tout ceci vient voir sa maman, dit que voici ma femme. Il prend cette fille, il part, il l'élève, elle va à l'école. À 9 ans, il la connaît. Comment ça accorde? Cet enfant n'a pas eu de choix, donc ils ne sont pas mariés. Il faut la délivrance aux musulmans. Il faut la délivrance aux musulmans. Donc ici, il n'y a pas accord. Parce qu'on a pris... Normalement, ça, c'est la pédophilie. Vous comprenez cela, frère? Mais maintenant, comment faire? Puisqu'ils sont régis, c'est régis par leur propre loi. Ils ont la loi islamique qui régisse là, avec la charia. Mais là, je suis de vous dire que c'est pas maintenant d'après le Seigneur. Lorsque tu prends l'enfant, c'est pour cela que avec les musulmans qui ont crié et qui ont sonné de l'autre côté, ont mené menace, tu peux facilement donner le conseil de Dieu parce que c'est simple. Le danger se trouve en milieu chrétien. Tu vas prendre cette femme, ces fils, ils n'ont même pas honte. Tu prends une jeune fille, tu pars, tu l'élèves avec tes autres enfants. Elle grandit pas à connaître. Même la pensée d'y faire, ça fait un genre. Alors là, il n'y a pas mariage parce qu'il n'y a pas eu accord. D'accord? Maintenant, j'espère de dire que la parole de mon père, si c'est ton père, c'est la même parole, dit que ce qui est universel dans le mariage, c'est l'accord. Partout où il y a mariage, doit avoir accord. Alors c'est pour ça que même les mondains, pour que le chef, vous savez, pour le cas de Cameroun, les articles 214, 215, 216 du code civil, dit quoi? Dit quoi? On est obligé de donner les droits. Quand tu te maries, tu dois être la femme doit aller là où le mari va. Vous savez, même là-bas, on connaît que la femme doit suivre le mari. Bon, avant ça, c'est même pas le moment. Alors, lorsque vous mettez là-bas, le maire aussi met son verre rouge pour porter les attributs. Il dit que, accepte-tu, monsieur, un tel, accepte-tu de prendre pour épouse tel. Si je ne dis rien, il ne peut pas signer, frère. C'est pas ça, frère. C'est ça. Si quelqu'un dit non là-bas, il ne peut pas signer. Mais c'est quand même curieux. Ça, c'est sur le plan humain. Alors, sur le plan de Dieu, c'est la même chose. Il faut l'accord pour que la personne dise. Parce qu'on dit que consentant, vu ceci, vu ceci, vu ceci, vu ceci, les deux parties consentent que le régime c'est ceci. Ils consentent. Donc tu as donné ton accord. Ta signature, donc, est, que tu apposes là-bas, montre que tu as accepté. Alors si la femme dit que. On dit que régime quoi? Tu dis monogamie. L'autre dit polygamie. L'autre là dit que ceci, on ne va pas s'entendre. Allez-vous-en jusqu'à ce que vous amenez un accord. Donc ce qui lie le mariage, c'est l'accord. Là, maintenant, si on expliquait sur le plan devant le maire. Quand tu rencontres ta femme. Vous rencontrez, vous marchez comme ça, personne ne parle à personne. Vous allez à la mairie, vous asseyez là-bas. Vous attendez que le maire vous dise, « Assez-tu me prends pour époux, hein, frère ?» Donc, en arrivant à la mairie, vous êtes marié. Lévons-nous, remercions d'abord le Seigneur. Un instant. Je parle du mariage, nous parlons du mariage. Vous avez posé la question. Enfin, je n'ai pas de mariage. C'est quoi le mariage d'après la Bible? C'est quoi le mariage? Voilà ce que je suis en train de parler, mais regardez maintenant, déjà ici. Comme il faut raison, ceux qui seront dans le monde qui vont écouter ceci. Asseyez-vous maintenant. Voilà, merci Seigneur. Alors, le mariage consiste en l'accord entre les deux. On va toucher ça, on va avancer parce qu'il y a des pensées qui viennent en disant qu'elle est mondaine alors qu'il drague une fille, on dit accord. On va avancer jusqu'à un niveau. Je ne parle pas de mariage selon Dieu, pas de petite amitié selon le monde. D'accord? Donc, souvenez-vous de ceci, ce n'est pas ma parole. Vous l'admettez ou non, le mariage ne peut pas être considéré comme mariage sans accord. Alors c'est ça, c'est l'accord qui est universel. Les festivités qui sont culturelles. Et ça me fait comprendre, frère. L'accord est universel. Si je dis oui, si ton oui, on traduit ton oui en bassa, on traduit ça en bosniaque. Oui, c'est oui. C'est ça l'accord. D'accord, frère. Maintenant, la question c'était que si maintenant vous êtes d'accord et que la famille donne. Oui. Et ta fille est la fille. Tu es marié, frère. Non. Il comprend ton inquiétude. Quand tu poses la question. Non. Et que la fille est d'accord de partir avec toi, quitte à ce que tu ne donnes rien. Et qu'elle te dit que la famille te propose tout ce que. La famille donne la liste comme ils veulent donner. Et qu'elle te dit si tu veux, tu ne donnes pas. Qui dit comme ça? On va toucher ces cas-là tout à l'heure. Le tout ici. Oui, frère. Ma question, c'est dans 1 Corinthiens 7. Oui. À partir du verset 37, où le Père fait que si le Père consent. Oui. Non, ça n'a rien à voir avec la version originale. Autre question, qui tombe à y lever. Non, ça va. Prends. Ça, c'est la version d'Abi. J'ai pris ça là-bas. Ouvre d'abord ton 1 Corinthiens, chapitre 7. Je crois qu'il faut qu'on règle le problème, ça va avancer. Que si le. Attends. Ouvre cette version si tu déposes. Ouvre cette version si tu déposes. 1 Corinthiens chapitre 17 dans la version d'Abi. Je connais bien ces versets-là. Vous savez, quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire autrement que de savoir ce que Dieu dit, même si vous ne lisez pas la version. La première fois que je suis tombé dans la version, voilà mon épouse là-bas. Quand il lit ça, il dit que ceci n'est pas, c'est pas ce que Dieu a de dire. Ce n'est pas la voix de Dieu ici. Il est dans 1 Corinthiens. Et puis, le jour où il lit une autre version, il dit que viens voir maintenant. Tu as vu, c'est totalement différent, disloqué. Prends lui ce qu'on avance, lis à haute voix. Lis à haute voix. Verset 37, à haute voix maintenant. Si tu ne lis pas à haute voix, j'avance. Verset 37, dans 8 secondes. Mais celui qui a pris une ferme résolution. Lis à partir du verset 36, mais allons-y. Suis à suivre. Verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nuvie et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point. Oui. Qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge. Stop là-bas. Donc vous voyez que s'il y a une mauvaise traduction dans le second, c'est ici. Même dans cette traduction, c'est déconstruit. C'est-à-dire que le même verset que tu as lu est déjà déconstruit. On dit que c'est quelqu'un dans son esprit a pris une ferme volonté, une ferme résolution en lui-même. Il dit de garder sa fille. Alors, Savron dit, sur ce plan-ci, Dieu aurait laissé la liberté d'une fille entre les mains de son père. Ce n'est pas comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. Il y a l'autorité parentale. C'est pour ça que dans ce processus du mariage, on va expliquer les niveaux d'autorité. C'est pour ça qu'il parlait des limites. Il y a la limite que concerne le corps, donc les membres de l'église, les limites familiales, les limites culturelles. On va tracer. C'est ce que mon grand frère a écrit quand, le jour qu'il a pris sa plume. Il a écrit dans Hébreux chapitre 13 que les gens citent à tort et à travers sans comprendre que le mariage soit honoré de tous. On dit, est-ce que tu as honoré tes parents? Parce que la Bible déclare qu'on honore son mariage. Vous allez lire la Bible. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez lire la Bible. Que ce que le mariage soit honoré de tous. On dit, il faut honorer tes parents. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. On va y revenir. On va toucher l'autre partie. On va s'étendre pratiquement à cela. Les limites parentales sur les enfants. D'accord. Alors ici il dit, si quelqu'un trouve, si donc, d'après ce que lui souvent le dit là, qui est incongru avec la même pensée qu'il voulait développer là-bas, c'est que j'ai ma fille, je vois comme déshonorant qu'elle a dépassé l'âge de puberté pour se marier. Si elle décide de la marier, c'est-à-dire que quand je dis de la marier, pas que c'est moi qui l'épouse, c'est de lui donner, de la donner un mariage. Je ne fais pas, il n'y a pas de problème. Qu'on se marie, et puis on dit qu'on se marie. Qu'on se marie. Et puis il dit que, mais celui qui aura pris la ferme raison dans son cœur, sans contrainte. Donc on n'a pas contraint son père de garder sa fille vierge, ça n'a pas de sens, frère. Ça n'a pas de sens. Continue là, finis là, ces incongruences là. Celui-là fait bien. Relis encore le verset pour qu'on puisse suivre. Verset 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution. Vous entendez ça, hein? Écoutez. Sans contrainte. Deux. Et avec l'exercice de sa propre volonté. Trois. Maintenant des. Et qui a décidé en son cœur. En son cœur. Maintenant de faire quoi, frère? De garder sa fille vierge. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors vous allez donner raison à tous les pères du village qui disent que je ne veux pas que ma fille se marie. Quels sont nos successeurs? Ça n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Avançons. Continue. Celui-là fait bien. Donc le père là, quand si un père décide derrière toi, un sataniste, comme tu es ma fille. Tu ne te maries pas, ta Bible te dit que j'ai décidé que tu ne te maries pas. Ah frère, où est-ce qu'on se retrouve? Lisons ça dans Dabi, allons-y, écoutez très attentivement. Question Dabi. Lise à partir du verset 36, allons-y. Mais si quelqu'un estime qu'il agit d'une manière inconvenante à l'égard de sa virginité, oui. Et qu'elle ait passé la fleur de son âge, oui. Et qu'il faut que cela soit ainsi, oui. Qu'il fasse ce qu'il veut, oui. Il ne pêche pas. Oui. Qu'il se marie. Donc la personne qui exerce la volonté, c'est lui qui doit faire quelque chose, n'est-ce pas? Continuons. Mais celui qui tient ferme dans son cœur, oui. Et qui n'est pas sous l'empire de la nécessité, mais qui est maître de sa propre volonté, oui. Et a décidé dans son cœur de garder sa propre virginité. Vous entendez ça maintenant? Or, dans lui, c'est quoi? Il était question du père qui décide de sa propre volonté. Vous dites que ma fille, tu ne bouges pas ta virginité. Vous voyez ça, frère? Continuez à le dire. Fais bien. Oui. Ainsi. Et celui qui se marie fait bien. Oui. Et celui qui ne se marie pas fait mieux. Amen. Ferme les Bibles. Alors, vous voyez, quand vous allez prendre le temps de lire 1 Corinthiens chapitre 16, je sais que ça crée beaucoup de problèmes avec les gens. Quand les gens veulent défendre, ils croient peut-être que le fait de lire quelque chose dans la Bible, ils vont venir m'effrayer avec cela. Quand je connais la voix de mon Père, vous ne pouvez pas m'effrayer avec n'importe quoi parce que ça se trouve ici à l'intérieur de mon cœur. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 17 dans lui, c'est comme vous deux. Quand vous arrivez là-bas, la voix a changé. La tonalité a changé et la pensée a changé parce que quelqu'un a introduit quelque chose qui ne va pas dans la pensée de Dieu. Vous suivez ça, frère? Comment on peut dire que moi je décide dans toute ma volonté, avec l'exercice de ma propre force, que hey, Madeleine, tu restes vierge. Où est sa liberté? Vous voyez cela? D'abord, ça, c'est incongruent avec tout le reste de la Bible. C'est incongruent avec tout le reste de la Bible. Mais d'accord, vous allez lire Nombre au chapitre 30. Je crois que dans l'enseignement, la place et le rôle de la femme dans le dessein de Dieu, dans l'église, et ainsi de suite. J'en ai parlé dans l'autorité parentale. Quand une femme est sous l'autorité parentale, il y a des limites de l'autorité. Quand, par exemple, quand vous lisez votre Éphésiens chapitre 5, chapitre 6, parlant des enfants, vous lisez Exode chapitre 20, vous allez voir effectivement que Dieu a amené un plus au commandement qu'il avait donné à l'enfant. Vous allez voir que Dieu a donné un plus au commandement qu'il avait donné aux enfants. Amen. Sachant ce qui est en train d'arriver. Il avait dit que honore ton père et ta mère. Et ils comprenaient justement parce que l'autorité était respectée, parce qu'on craignait Dieu, le roi craignait Dieu, les affectés suivaient Dieu, par conséquent Dieu pouvait les guider. Mais lorsqu'on est entré dans le monde avec les divinités des différents païens, il a dit honore ton père et ta mère. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur a été ajouté. C'est pas ce qui est écrit dans Exode. N'est-ce pas, frère? Donc ça veut dire qu'il faut que je suive les règles. Non, tant que cette autorité parentale ne dépasse pas la limite assignée par Dieu. Vous voyez ça, frère? C'est pour ça qu'il va falloir qu'on touche l'autorité. On est obligé dans ces choses de toucher l'autorité. Jusqu'où limite l'autorité des parents. Alors ça veut dire que si ce papa-ci garde dans sa virginité, décide que le mari, tu vas épouser un blanc. C'est le blanc là que tu vas épouser, le père là que tu vas épouser, même si c'est dansant comme ça. Tu dis que c'est mon père qui a fait, tu fermes tes yeux. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, d'accord? Il y a un commandement aux parents vis-à-vis des enfants. Il dit que père, n'irritez pas vos enfants. Vous avez vu ça dans la Bible? Des pères qui ne se découragent. Vous les irritez, il va se décourager. Alors, il peut entrer dans la rébellion s'il est découragé. Donc, on va toucher l'autorité parentale vis-à-vis des enfants. Il y a les limites assignées à ces choses-ci. D'accord, mes frères? Donc, vous ferez mieux de chercher les questions mieux que celles-là. Je recommande encore ce qui est dit ici initialement. Il n'y a pas un seul verset pour quelqu'un de prendre la dot d'une fille en la mariant. Il n'y a pas un seul verset qui oblige quelqu'un à payer une dot. Il n'y en a pas. Fin de citation. S'il y en a, trouvé. Si tu commences à penser maintenant que j'ai dépensé sur l'éducation de ma fille, dépensé, tu as vu comment elle est brune, c'est toi qui l'as créée. Que chez nous, c'est comme ça, tu as sorti de la Bible. Dans notre culture, c'est comme ça, c'est votre pro. C'est pour ça que dès le départ, il met la garde entre la culture et la Bible. Vous voulez la vérité, je vous dis la vérité. Votre culture, c'est votre problème. Parce que si c'est pour la culture, chacun sortira sa version de culture. Mais comme pour ne même pas me casser la tête, Dieu a donné une seule culture chez lui en haut. La Bible. Vous m'avez suivi, frère? C'est donc pour cela, je peux commencer donc à vous donner des noms. Si vous voulez différentes célébrations, vous allez voir Jésus. Va venir dans Jean chapitre 2, où il a transformé l'eau en vin à Cana. On l'a invité aussi au mariage. Étant le grand, le souverain sacrificateur, il n'a pas dit là-bas que moi, le créateur, je vous bénis le mariage. Il est tous quelque part là qu'on les invite. Quand un pasteur, Jésus l'invite, il ne met pas la place VIP, il se fâche. Jésus était quelque part là. Le pasteur, il faut qu'il soit sur la table. On met VIP en gros caractère. Révérend pasteur, un docteur tel, prophète tel. On dit que c'est le pasteur de marié là-bas. Il faut qu'on lui donne la parole au milieu de l'assemblée. Vous la délivrance. Là-bas, là, dans ces festivités-là, il y avait le buveur de vin seulement là-bas. C'est pas ça, frère? Ok. Parce que c'est leur coutume. Vous prenez maintenant le livre de Juges au chapitre 14, vous allez voir maintenant à Timna. Comment Samson va descendre? Il va venir dire à ses parents que descendez à Timna. J'ai vu une jeune fille là-bas, une Philistine. Le père et la mère dit que mère, on va y revenir. Parce qu'on va avancer vraiment doucement. L'affaire du mariage, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Il bien dit que c'est vos questions qui vont me faire avancer. Parce que moi, je l'ai marié, je n'ai pas de problème. Si vous avez entendu n'importe quoi concernant mon mariage, c'est votre problème. Moi, ça ne me gêne pas le problème. Si vous avez pris une photocopie, photocopie, votre pouvoir est noir. Le message qui ne sonne pas ça, c'est votre problème. Je tiens la copie originale avec le Seigneur. Amen. Dites Amen pour moi, il n'y a pas de problème. Donc même si quelqu'un dit n'importe quoi me concernant, c'est son problème. Alors, dans le livre de Juges chapitre 14, vous allez voir comment Samson va venir dire à ses parents que descend à Timna, prends cette jeune fille pour moi. Il dit, ses parents m'ont dit, n'y a-t-il pas de jeunes filles ici en Israël? Parce que, selon le livre de Deutéronome chapitre 7, Dieu avait interdit clairement de contracter le mariage avec le peuple étranger. Le verset 2 et 3 disent, ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. C'est ce qui est écrit dans ce livre de Juges chapitre 14. Alors donc, ça veut dire que c'est Dieu qui poussait Samson à aller chercher cette Philistine-là pour épouser. Pourquoi? Parce que Dieu cherchait une occasion de chute, une occasion d'attaque pour pouvoir juger les Philistins. Maintenant, suivez attentivement. Lorsqu'ils vont descendre là-bas, prenez le temps de lire cela. Ils vont descendre en marchant là-bas, ils vont voir il avait tué le lion, et puis l'abeille est venu faire à l'intérieur, il va donner l'énigme où ils vont venir demander à sa génisse. Ils vont poser la question que si vous faites ces choses, je vous donne, et celui qui est violent, se trouve celui qui est doux. Les gens n'ont pas compris. On a essayé de tourner autour de sa femme jusqu'à ce que la femme a hanté, elle a dit, si vous n'avez pas brouté ma génisse, vous n'avez pas su mon énigme. Donc c'est ma femme qui vous a dit cela. Ce qui veut vous amener là-bas, c'est que Samson a donné la fête là-bas. Après, on dit car c'était la coutume de chez les jeunes hommes. C'est ce qu'il voulait vous amener. Donc la célébration que Samson a fait là-bas, ce n'est pas la même célébration que dans Jean chapitre 2, on se retrouve. Ce n'est pas la célébration. Vous voyez le mot que ça est utilisé. La célébration. Ce que Abraham a fait avec Isaac et Rebecca, ce n'est pas ce qui s'est passé avec Jacob, Léa et Rachel. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, les célébrations changent. Mais le mariage tient debout. La célébration n'est pas le mariage. Le mariage amène la célébration. C'est pour ça que la célébration diffère. C'est parce qu'il y a mariage qu'il y a célébration tout autour. Un peu comme les lions vont jouer la finale au stade Amadou Ahidjo. Avant que le match ne commence, il y a match qui doit se jouer. On danse les fêtes culturelles, on présente les petites choses là-bas. Toutes ces activités, c'est la fête autour du match. Il y a le match, il y a la culture. Suivez, frère. Je suis fier d'appartenir à celui qui a créé les cieux et la terre et être dans la Bible. Je suis fier. Donc maintenant, vous pouvez sortir, dire n'importe quoi, penser n'importe quoi. Le mariage n'a rien à voir avec la dot. C'est ainsi par la parole. Vous demandez la dot, vous êtes un voleur. Si je te conseille avec ta femme pour dire que dresse ta liste, association de voleurs. C'est ainsi par la Bible. Tu demandes d'abord la Bible, d'abord la condition, même si ce n'est pas cela. Ta fille était vierge. Ok. Vous avez vu une personne ici qui se marie et qu'on exige la dot quand la personne n'est même pas vierge. Je vais avancer avec. Je vous ai donné la dernière fois. 1 Samuel chapitre 25. Je vais citer ce qu'il y a là parce qu'on n'a pas le temps. Je vais seulement citer. Vous allez rentrer, vous méditez. Vous connaissez l'histoire de Nabal et Abigaël. Vous avez lu ça dans la Bible, frère. Vous y êtes. Vous avez lu ça dans la Bible, n'est-ce pas? Je vais seulement vous aller là-dedans. C'est presque 40 versets. Je vais aller là-bas alors que Nabal meurt plus tard, d'accord? Allons voir ce qu'il écrit maintenant dans 1 Samuel chapitre 25. Je prends seulement ce cas-là. Donc, si vous avez votre enfant en disant, vous savez, les gens, quand ils accouchent des enfants maintenant, ils disent non. C'est l'argent. Donc, l'enfant, vous prévoyez grâce que. Vous avez 7 enfants, on dit 1 million. Donc j'ai 7 millions à la maison. Vraiment, hein? Attends que les chrétiens comprennent ces filles-là. 1 Samuel chapitre 25. Du moins, les chrétiens qui ont compris la vérité. Non! Il faut comme ça que le parent te bénisse. Quand ils vont bénir ton mariage, là, ça va avancer. Tu parles. 1 Samuel chapitre 25. Je vais lire à partir du verset 38 du chapitre 25. On va lire. Donc, quand vous avez le temps, lisez du début jusqu'à la fin. Chaque fois quand il passe le temps, je reste doucement. Que vous ayez ça devant vous, c'est pour que votre œil soit dans la Bible, que vous preniez connaissance de cela dans la Bible, que ça reste votre cœur. Vous ne dites pas que j'ai dit que non. À jamais, vous remarquez, même à la réunion, quand on me pose la question, je ne donne pas mon avis. Je dis la parole parce qu'il ne s'agit pas de moi. Parce que si dans une situation, si je donne mon avis, quelqu'un donnera son avis. La question c'est. Dans nos avis, là, qu'est-ce que Dieu lui dit comme son avis? C'est son avis qui fait autorité, c'est la chose. Quand Dieu donne son avis, on ne discute pas. Mais suivez, frère, que Dieu notre Père vous bénisse. Verset 38. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir. Vous voulez qu'on aille au mariage ensemble, frère? On part au mariage de David et Abigail. Continuons tout simplement le verset. Si vous voulez fuir, fuyez. Mais c'est la Bible. On avance, frère. Maintenant, les serviteurs de David, verset 40, arrivaient chez Abigail à Carmel et lui parlaient ainsi. David nous a envoyé vers toi afin de te prendre pour. Vous y êtes, frère? Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Verset 42, lisons tous ensemble, frères. Et aussitôt Abigaël partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Regardez-moi, c'est dans votre Bible, frère. Vous m'expliquez comment elle est devenue sa femme en quittant pour aller là-bas. En acceptant la proposition, elle a juste. Où est la dot alors? Si elle est devenue sa femme, et le Saint-Esprit dit qu'elle est devenue sa femme, où est donc la dot là-bas? La mairie. Donc, en même temps, dans la situation de mon camé, il y avait le maire là-bas signé la continue. Donc, où est la mairie là-bas? Quand la Bible déclare que tout homme nous soit soumis à l'autorité, quand il y a point d'autorité, il y a point d'autorité qui intervient, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas d'autorité qui est au-dessus de l'autorité de Dieu. Les institutions divines ont été instituées avec les institutions mondaines. C'est pour cela que malgré que les hommes peuvent dire n'importe quoi, on ne peut pas fermer l'église du Seigneur. Parce que l'église du Seigneur a la dernière autorité et nulle personne sur la terre ne peut la juger. Vous comprenez cela? Donc un être humain ne peut pas dire que donc prends l'autorisation pour fonctionner. Parce que l'église du Seigneur n'est pas physique. Vous voyez cela? Alors maintenant, d'autres maintenant, en citant Romains chapitre 13, s'emboubent là-dedans. Que non, il nous faut l'autorité, parce que l'autorité quand même dit qu'il faut régler ces secteurs. Parce qu'ils sont dans les associations. Nous, on n'est pas dans l'association. Qui est mon frère ici? Dis à ton voisin que les frères ne sont pas dans les associations. Les frères ne sont pas dans les associations. Ils sont en famille. Ils sont en famille. Il n'y a pas d'autorisation pour être en famille. Il n'y a pas d'autorisation pour être en famille. Alors, vous n'êtes pas content, frère? Pose ta question, mon cher. Ma question se trouve dans Genèse 24 à 25. Oui. Chapitre 24 à 25. Oui. Oui, il n'était pas la première fois, il n'est la deuxième fois, n'est-ce pas? Pose quand même la question. Abraham, sachant que la dot ne vient pas de Dieu, oui, comment est-ce qu'il a compris qu'il devait envoyer son serviteur avec autant de présents? Il était riche, frère. Oui. Tu voulais qu'il soit riche, frère? Attends, tu veux que ça chiche? Parce que quand on lit. Jusque-là, ce n'est pas le problème. Oui. Le problème, ce n'est pas cela. Regardez bien. Je crois qu'il faut qu'il revienne encore sur les dîmes pour vous expliquer quelque chose. Lorsque je parlais des dîmes, sur le lancement sur les dîmes, j'ai dit si vous entendez que vous ne payez plus les dîmes, ne pensez pas que vous êtes délivré. Vos problèmes commencent là-bas. Parce que dîmes veut dire dixième. Quand le Seigneur Jésus nous a sauvés, il nous a sauvés totalement. Il a donné totalement, pris totalement nos péchés, et il attend totalement notre total. Alors, tout ce que nous avons, je vais dire que quand vous êtes chrétien, tout ce qui vous appartient est créé, y compris votre compte en banque. Donc, il peut distinctement exercer sa souveraineté en disant que prends. C'est pour ça qu'il peut dire aux autres que quitte ton travail. Il ne dit pas que quitte ton travail, je vais. Il dit quitte. Il reste tranquille. Tu dis, je chasse cette voie au nom de Jésus. Il dit, tu as fini. Il dit, tu quittes ton travail. Parce que tu l'appelles ton Seigneur. Quand le Seigneur parle, on ne discute pas. Alors, lorsque il dit ces choses, il est souverain sur n'importe quoi, pas vrai. Lorsque tu es chrétien, tout est bien à partir du Seigneur. Parce que 1 Timothée chapitre 6, le verset 17 dit, qu'on prêche aux riches de ce présent siècle d'être riches en bonne œuvre. Pas vrai? Que Dieu leur donne. On dit là-bas que c'est Dieu qui leur donne pour qu'ils soient larges. C'est parce que les mondains, ils croient peut-être que je te donne que tu as travaillé quoi. Je me suis battu, hein. Deutéronome 8 et 6 dit qu'il ne faut pas que quand tu as quelque chose, tu crois que c'est pas ta force que tu as eu. C'est parce qu'il n'est pas régénéré. Pour du côté chrétien, on doit enseigner que, enfin, quand tu sais au moins que, quand tu vas me quelque part, tu fais un travail, tu donnes l'argent, tu dis, d'abord, le premier réflexe, tu dis merci, c'est pour dire que ce n'est pas ton œuvre qu'on a donné le pays. Vous voyez, ce n'est pas la grâce de Dieu que tu as eu. C'est pas ça, frère. Amen. Alors quand tu dis merci, Seigneur, il dit que je te remercie, mon fils, va donner ça à ma servante qui a prié là-bas le premier. Tu dis quoi, Seigneur, c'est toi? Parce qu'il s'agit de ton argent. Si on te dit seulement que va à la terre rue, on va te donner l'argent. Tu ne dois pas dire c'est Seigneur, est-ce que c'est toi? Frère, Seigneur, c'est dans quelle rue? C'est dans quelle rue? Parce que là, tu pars pour prendre. Mais si on te dit de donner, tu poses des questions sur la voix qui a parlé. Pas vrai, frère? Vous voyez, quelqu'un dit que j'ai rêvé comment m'étendre 20 000. J'ai fait comme ça, l'autre m'a réveillé, il dit, oh, pourquoi tu m'as réveillé? Oh, il ne sait pas qui lui tend les 20 000. Mais lui a quand même tout arraché les 20 000. Et par conséquent, de la même façon pour le mariage, écoutez très attentivement, j'ai pris pour les dîmes. Il dit, quand il dit, les dîmes, c'est biblique, mais ce n'est pas pour les chrétiens. Il dit, ouf, chaque mois, chaque fois. Dîmes, c'est dixième. Dieu veut la totalité cette fois-ci. Mais cette totalité-là, il veut que ton cœur soit libre pour qu'il dispose ça comme il veut. C'est pour ça qu'on parle de libéralité. Où c'est ça, frère? De la même façon, du côté du mariage, lorsqu'il dit que la dot, parce que la dot pour des vierges déshonorées, c'est 50 cycles d'argent. Quand tu veux faire le cadeau maintenant, Si c'est un cadeau comme Abraham a fait, tu vas mesurer la famille dans laquelle tu vas entrer. Si tu vois une fille de ministre, tu vas aller offrir quoi là-bas? Qu'est-ce que tu vas épouser une fille de ministre? Qu'est-ce que tu vas aller offrir là-bas? Alors, écoutez très attentivement. Le fait que tu ne payes pas la dot ne te dispense pas de donner le cadeau. C'est pas que tu vas aller chez quelqu'un, aller prendre l'enfant. Que sors d'ici. Les parents sachent que ton rôle est fini. Sors. Sima, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la manière d'agir. Ce n'est pas la manière d'agir. Ou c'est ça, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que tu dois comprendre qu'une personne a eu de l'autorité sur sa vie, a pris le temps. Il faut respecter cette autorité. C'est pour ça qu'on va toucher cela. D'accord? On va arriver maintenant au cas où l'autorité refuse de le faire parce qu'il a ses intentions derrière. Quelle est la place de Dieu, de la décision de faire? Si c'est biblique, c'est dans la Bible qu'on va résoudre cela. D'accord? On va répondre à toutes ces questions. Alors, tu dis, papa, oui, mon pasteur a dit qu'on ne paie pas la dot. Toi, tu avais ton père ou j'avais moi. Oui. Sors, on part ici. N'allez pas faire ces choses-là, d'accord, frère? Écoutez très attentivement. Utilisez la sagesse comme Abraham a fait. Quand le cadeau partait, avec la bonne disposition de cœur, élevé avec la prière, ils sont entrés dans le dessein de Dieu pour donner le fils promis. D'accord, frère? Alors maintenant, regardez, observez bien maintenant. Celui qui a choisi le cadeau qu'il devait donner, personne n'a imposé. La façon que le cadeau est arrivé, si cela devait imposer les dots, ils ne devaient même pas toucher à ces cadeaux. Pas vrai? Les gens, donc, en imposant les dots, frustrent les gens. Et par conséquent, quand ce sont les francs-maçons qui viennent pour épouser les filles, vous dites 150 millions, ils donnent sans déranger. Sachant que cette fille-ci a une étoile qui brille, deux mois, je vais entendre qu'elle a accouché d'enfant, elle est morte, il y a des problèmes, après elle est morte. Elle a le travail, l'argent qu'elle a payé. Bonne soirée.